meubler les heures de ces nuits, les nuits d'insomnie, avec des bouts de rêverie, rêve pas fini, songerie venue du silence. Comme une chance, comme une heureuse récompense, une abondance. On cherche un sens à la magie, une stratégie. Poudre de folie et la changer en piège à chance, sans arrogance, en bénéfique manigance, en magie blanche. Une vie en carpe diem, une vie pleine à tout capter comme une antenne de ce qu'on aime, risquer sa vie sans garde-fou, aller jusqu'au bout, se méfier des grands manitous qui déglinguent tout. On ne vit que pour ce qu'on aime, une vie pleine, improvisant sur tous les thèmes, pour ce qu'on aime, semant son âme un peu partout, sans dessus-dessous, essayant de rester debout, malgré les vents fous. On laisse un peu de soi derrière, la tendre guerre, trace de pas dans la poussière, vieille galère, sans trop savoir où on s'en va. C'est toujours comme ça, c'est l'inconnu à chaque pas. On n'en revient pas. Trop court notre séjour sur terre, sombre misère, on vit des vies de courant d'air, bien ordinaire, ne reste rien de tout cela. Abracadabra, quand on regarde au fond de soi.